Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour 2 heures de Team Pouchot, pas d'à vos jeux. Cette semaine, on reprend la semaine prochaine avec Zoé, bien évidemment. Nous avons comme invité aujourd'hui Christophe Pulfer et ensuite Benjamin Carmer qui nous parlera de ses actualités musicales et littéraires. En attendant, on enchaîne avec le générique et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nous sommes de retour en antenne. Bonjour monsieur Christophe Pulfer. Mais bonjour Michael. Comment allez-vous ? Extrêmement bien, super. Super, alors dis-moi, pourquoi es-tu là ? À vrai dire, ça fait très plaisir chaque fois de pouvoir parler de la bourse du Scrivia à Chablais. Et c'est toujours vraiment un vrai moment de plaisir de pouvoir trouver le temps et surtout de pouvoir être qu'on puisse me poser des questions à ce sujet. D'accord, donc tu es ici maintenant dans le Team Push pour en parler. Tu seras chez Sissi bientôt aussi. Oui. Voilà, voilà, donc double emploi sur la radio, c'est votre radio préférée. C'est ça. Donc alors, dis-moi d'où ça se passe. Exactement, bah, vraiment très bien. C'est déjà la 9e édition, donc c'est vrai que il y a déjà du passé hein, quelque part, mais là ce qui est vraiment bien pour moi, c'est que moi je considère chaque fois une nouvelle édition comme la première. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir travailler ça uniquement comme toujours la première fois. D'accord, c'est toujours la première fois la meilleure, on dit. C'est vrai. Alors, c'est reparti pour un tour. Tu le sais bien, quand tu viens chez moi, c'est jamais. Tu m'y attendais. Tu t'y attendais. Alors, beaucoup d'exposants cette année ? Oui, alors, bon, déjà, il faut juste rappeler que ça se passera donc le dimanche 26 novembre 2017. C'est de 9h à 17h. Et on est toujours en face de la poste de Villeneuve. Donc, c'est vraiment facile à trouver parce qu'on est vraiment en plein centre-ville, à quelques mètres de la gare, juste en face de la poste, c'est vraiment facile. Et ce qui est intéressant cette année, qui est un net plus, c'est que j'ai toujours essayé de viser une qualité, je dirais, un peu haut de gamme. Et cette année, on a des nouveaux marchands qui viennent de Suisse allemande que j'ai rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai été époustouflé par la qualité de leur bac, non seulement au niveau des prix, mais surtout au niveau de la variété des disques proposés. Et ces deux nouveaux marchands viennent pour la première fois cette année à Villeneuve, ce qui nous fait trois marchands en provenance de Suisse allemande, ce qui est tout à fait génial. Donc yes. Ouais, ça c'est vraiment formidable. Et on a cette année également de nouveaux confirmés. On a déjà deux disqueurs qui viennent, ce qui fait vraiment un niveau, je dirais, assez élevé. C'est ce que je voulais atteindre. Donc, quand on atteint ce que nos buts, on est toujours extrêmement satisfait. Mon ami qui faisait foufou à Lausanne, là, il vient cette fois-ci ou... Oui. Alors, il y a toujours des petits changements, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir pour différentes raisons. Le but, c'est de toujours pouvoir vraiment offrir. On va quand même être une quinzaine de marchands, hein, ce qui est conséquent, surtout que ce qui me fait toujours plus plaisir, c'est que les gens venaient avant avec une voire deux tables, et puis cette année ils me téléphonent, Christophe, tu peux pas me garder une table supplémentaire s'il te plaît? Et ça fait d'autant plus plaisir que les gens non seulement s'installent, ils trouvent leur confort mais prennent de l'ampleur, et ça c'est vraiment chouette. Yes, on va partir faire un petit tour en musique avant de se retrouver juste après. On est parti avec Isotopia Forest avec Like Firely, voilà, je vais y arriver. Suivi de I'm I avec Touch the Stars et As Well, avec Men of Dishonor. C'est tout de suite, c'est pour vous et c'est sur votre radio préférée, bien sûr. A tout de suite, Christophe. A tout de suite. For that ride, sunstorm. Voilà, nous sommes donc de retour en onde avec notre cher Christophe Pulfer qui va nous parler de la bourse aux disques Riviera Chablais, pas les bourses aux disques, n'est-ce pas, monsieur, dame? Je l'attendais, celle-là, je l'attendais. Non, mais je la fais à chaque fois, elle devient périmée. Non, même pas. Alors dis-nous, tu nous as parlé de que tu aurais des... cette année, les vendeurs suisses allemands. Oui. Quoi d'autre comme nouveauté? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura, de toute façon, déjà un choix extrêmement important de vinyles d'occasion et de collection, toujours 33 tours, 45 tours, mais tout style, c'est ça qui est intéressant. Et on a également un marchand qui vend des nouveautés, voire des rééditions tout à fait récentes, ce qui nous permet de faire un panel extrêmement large. On aura également, bien évidemment, des raretés en CD. Beaucoup de choses qu'on ne trouve plus ou qui n'ont pas été rééditées, mais tout ce qui était coffret qui sont sortis dans les années 2000 par exemple, c'est impossible à trouver aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on le trouve justement dans ce genre d'endroit. La nouveauté cette année, c'est que moi je me suis encore un peu élargi au niveau des styles que je propose. C'est vrai, alors... t'as pris du poids. Il faut que je reprenne la fitness. Moi aussi. ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va, on va aller du classique, rien qu'au stand que je propose. On va vraiment du classique aux formes les plus extrêmes du metal, en passant par par le reggae, le blues, le rock, etc. Mais ce que je propose cette année, qui en plus que je trouve vraiment chouette, c'est que j'ai proposé énormément de hip-hop, et, de hip-hop en maxi, des choses qu'on trouve vraiment plus, des promos, etc. Et là, surtout beaucoup de choses aussi en soul, en R&B, en funk, donc vraiment des choses extrêmement rares. Qui était un produit uniquement aux États-Unis et même difficile d'obtenir aux États-Unis. Donc tout ça, c'est des petits plus que l'on peut apporter chaque fois au niveau du stock que l'on peut présenter. Et ça, je suis très content de pouvoir proposer ça effectivement à ma clientèle. Alors il y avait évidemment le food truck. Hein. Alors il y a toujours le food truck, exactement. fondamental parce que c'est vrai qu'on va commencer très très tôt. Donc s'il y a, alors là c'est génial parce qu'on peut se sustenter. Fondamental. Et puis l'autre nouveauté qui est très chouette qu'on aura cette année. Que j'avais déjà mis en place l'année passée avec DJ VR de Vevey, connu, hein, producteur de rap qui était derrière les platines. Cette année, on a la Mofunka. Et la Mofunka, je suis très très content parce que c'est un très jeune collectif underground genevois, fou amoureux du vinyle, et qui vont nous proposer effectivement une sauce afro, funk, etc. qui va être extrêmement intéressante. Des petits gars très chouettes que je me réjouis d'accueillir cette année, que j'ai rencontré par hasard d'ailleurs. Finalement, c'est quand on fréquente les lieux musiques, on rencontre beaucoup de gens, et ça m'a permis justement de pouvoir les prendre cette année. Ils sont trop contents. Pour eux, c'est vraiment l'occasion de présenter leur travail dans le cadre d'une bourse d'études professionnelle. Et ils sont enthousiastes, ce qui va nous garantir une belle ambiance musicale. Yes, en parlant de musique, on y repart tout de suite avec Frances Correa, avec Joe and Frank, et Maisel Road, suivi de Kelly Mays avec Kron, et Benjamin Kermer avec Anna Benjamin Kermer, qui sera notre invité juste après toi. May the sunshine warm upon your face, screaming joy behind your base. Rain fell soft upon your field, your eyes stand firm against the storm. Rain fell soft upon your field, your eyes stand firm against the storm. And until we meet again, and until we meet again, and until we meet again, I will always keep my eyes on you. And until we meet again, and until we meet again, and until we meet. May the sun make your day bright, may the stars illuminate your nights, may the flower bloom upon your path, come on girl, begin your rise. Rain fell soft upon your field, your roots stand firm against the storm. Rain fell soft upon your field, your roots stand firm against the storm. And until we meet again, and until we meet again, and until we meet again, I will always keep my eyes on you. And until we meet again, and until we meet again, and until I've seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith, faith that could return. told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen of ways. A witch of wonders, the jinx of fate. From your dungeons, feel the sun on your face. You can't hide behind your comments. You must see this place. Let's not destroy it, don't clean the pace. Slow down, I'm thinking, infect the race. All the hated fetters, don't leave a trace. Children will love if you give them the grace. The light can win, consume our face. Complacent our pleasure and we cannot be late. I hasten all your clever and your mood to replace. All emotions that are stagnant so we can all embrace. Princess of thoughts, the priestess of space. My empress, she rides with my queen. C'était donc Anna que nous venons d'entendre, Benjamin Kermer, que nous recevrons juste après Christophe. Alors dis-moi Christophe, je te laisse la parole. Mais c'est très gentil. Écoute, c'est vrai que cette aventure a démarré en 2009, on est en 2017, c'est vrai que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que il y a toujours les fidèles qui viennent reviennent chaque année et qui me disent « Ah, ben, j'ai pas pu bien aller passer, je le regrette, etc. » Et je suis très très content d'avoir aujourd'hui pu mettre en place cette bourse au disque qui est devenue quelque part une référence en Suisse romande, en tout cas beaucoup pour de plus en plus alémaniques. Ouais. Ils connaissent pas Genève, ils connaissent pas, etc. D'accord. Mais ils viennent à Villeneuve, et puis je crois qu'il y a même des gens, j'ai entendu dire, qui viennent bord des quais pendant que monsieur va farfouiller. Mais quoi que c'est un peu faux comme image, parce que on a de plus en plus de demoiselles qui farfouillent les bacs. Elles ont souvent eu un papa qui a une collection de vinyles à la maison. Et on a de plus en plus de charmantes demoiselles d'ailleurs. C'est pour ça que j'invite les célibataires à venir. C'est un très, ouais, beau, très bon endroit pour faire des chouettes rencontres. Donc en plus de ça, c'est idéal, c'est un lieu de rencontre. Sponsorisé par Mythique, merci. Bientôt, ouais. Et c'est vraiment un melting pot assez important. Donc on voit vraiment, c'est une manifestation tout public. Alors bien évidemment qu'il y a des DJ qui sont là, les musiciens qui sont là, les collectionneurs bien évidemment, mais il y a des familles entières, et je vois souvent on voit madame, monsieur, elle et deux enfants qui farfouillent. Je trouve ça formidable. Et ça c'est vraiment des beaux spectacles. D'ailleurs on va prendre beaucoup de photos cette année et on va refaire un reportage vidéo. Il y aura du live radio, enfin il y aura déjà au moins un reportage audio qui va être fait. Donc on essaie vraiment de donner le maximum d'écho par rapport à nos activités, pour que les gens voient vraiment ce que l'on fait et puis qu'ils aient surtout envie de revenir l'année prochaine, parce que c'est un événement annuel, donc c'est une date, il faut pas la manquer, parce que c'est vrai qu'après l'attente est longue. Voilà, et puis concernant la drague, si vous êtes célibataire, demandez à Christophe de vous conseiller le vinyle les Pet Shop Boys version promo, vous verrez madame sera contente. Voilà, comme on dit, il y en a dans le paquet. On enchaîne tout de suite en musique avec The Snow Is Live avec Inverness Color, The Mad Pig Project avec Moments, c'est P2K in France avec I Long For You. Long For You, voilà, justement. Allez, c'est tout de suite, c'est pour vous, c'est sur votre radio préférée. On se retrouve tout de suite après. Hurricane dream will never come true. I can't believe what you have done. You stole my heart, you are a thief. I can't believe I'm better. Do you feel the same? It's hard to live without you, but I'm the loser of this game. Because your heart means love for her and not love for me. You do look so happily, it's so hard for me to see. I long for you, tell me what I should do. There's so much pain, ooh, why can't you see what you've done with me? What about you and me? A little sun has turned me, the liquid feeling and endless love. Now I wish I could fly like a touch, but it's hurting me so much. 'Cause it's just a dream, you are not really here. Why can't you hear me scream? I have only one question. Do you feel it too? I don't know how to prove it, that I love you. I hope she is the right one for you, and her love is true. I wish you could hold me once again, but you left me here in the rain. Why? Please tell me why. Would like to be near you again. I miss you so much. Et nous voici de retour pour cette dernière partie avec toi, Christophe. Alors, dis-nous, rappelle-nous un petit peu tous les points importants concernant cette bourse au disque. Alors, première chose, c'est dimanche 26 novembre de 9h à 17h. Il faut bien comprendre que déjà des 8h15 à 8h30, il y a une file qui se présente déjà devant l'entrée. Ce sont les gens les plus impatients. Alors, chaque année, ça grandit. Hein. C'est impressionnant. Imaginez 25-30 personnes qui trépignent d'impatience de pouvoir rentrer. L'entrée est à 9h précise. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que il y a un prix d'entrée de 5 francs par personne. C'est gratuit pour les enfants accompagnés jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis surtout, si vous êtes étudiant ou si vous êtes à l'AVS, n'hésitez pas à prendre votre camp, très très facile à trouver. On n'est pas en centre-ville là, on est vraiment à Villeneuve, et c'est ce qui fait son charme, et vous êtes à quelques pas du lac. Yes. Eh bien Christophe, merci beaucoup pour ta visite. Merci à toi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir en parler, et puis c'est une belle occasion de se revoir. Yes, on est parti avec Julian Yavan avec Will I Dance featuring Kimberly Francens, suivi de Kalima avec Virgin et Mikala avec My Truth. On se retrouve tout de suite après avec notre deuxième invité, Benjamin Carmer, qui nous parlera de la plus grosse pièce de la maison, je pense. C'est bien ça qu'il nous a dit, hein. Voilà, toujours le mot pour rire. No comment, on vous expliquera un jour après 22h. Voilà, allez, c'est tout, c'est pour vous. C'est en musique, c'est sur votre radio préférée. On se retrouve tout de suite après. Au revoir Christophe, à bientôt. Merci, au revoir. Cigarettes in the corner, blurry vision out, concealing their bruises. Yeah, yeah. Sophisticated, communicating in tongue covered in booze. Yeah, yeah. And they're gonna dance all night with you, looking for ways to be abused. There's an exception to the rule, 'cause tonight I want you sober. Of memories out of sight by the morning. Illusions deluding the fool through the groove, hiding the truth. And they're gonna dance all night with you, looking for ways to be amused. There's an exception to the rule. Let me open up your virgin mind. Open up the door to virgin vibes. I know how to make a virgin fly. And tonight, I want you so. Die a thousand times. Et voilà, de retour en onde avec notre deuxième invité, Benjamin Kermer. Bonjour Benjamin, comment ça va ? Bonjour. Voilà, la grosse pièce de la... on faudra franchement qu'on vous dise un jour de quoi il s'agit et on mettra une photo, c'est promis. Alors dis-moi, Benjamin, DJ, compositeur, auteur ? Oui. Voilà. Bah oui, quand même. Bah oui, voilà. Alors, parlons un peu plus de ton univers musical, mais avant cela, on va écouter un premier titre avec Selfie, avec Untouchable Beach. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Tu nous parleras un petit peu de Selfie, parce que, voilà, ça m'intrigue. Oui. Oui, tu veux bien. Allez, sois un peu plus loquace, s'il te plaît, n'est-ce pas ? Allez, c'est tout de suite, c'est pour vous, c'est parti sur votre radio préférée, avec Selfie, avec Untouchable Beach. Je suis blonde comme le sable d'été. Je fais des selfies et j'aime ne pas faire mon âge. Je suis éphémère. Laisse-moi rentrer dans ton lit pour une nuit. Tu trouves ça? Je suis selfie. J'aime la beach life. Intouchable bitch. Beach life. Beach life. Je fais ma sainte touche, mais en club je suis la bitch de la soirée. Intouchable bitch. Je fais ma sainte touche, mais en club je suis la bitch de la soirée. Intouchable bitch. Je sais, je me répète. C'est le DJ qui veut me faire passer pour une conne. Pour une conne. Bitch life. Intouchable bitch. Eh ben ça bouge, dis-moi. Ah oui. Ouais, alors les Américains adorent. Oui, et pas que là d'ailleurs, je sais que Selfie, on l'entend beaucoup aussi du côté de Genève. Hein. Oui, en Suisse. Voilà, en Suisse, voilà. Ça se répand. Ça se répand, comme on dit, voilà, c'est comme les bonnes choses, ça se sème et ça fleurit. Voilà, bref. on n'est pas sorti de l'auberge. Alors dis-moi, Selfie, personnage à part entier, personnage fictif, bien évidemment. Hein. Oui, inventé de mon imagination. Voilà, c'est une voix électronique, comme on appelle ça. Mm-hmm. Voilà, Selfie est née d'une bonne blague, et puis finalement, on fait son petit bonhomme de chemin, elle fait même carrière, meilleure carrière que nous, je crois. Non ? Oui, ça se répand. Dans le monde entier. Eh ouais. Voilà. Donc, tu chantes aussi ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui. Bah écoute, moi je vais faire découvrir d'abord aux auditeurs une petite exclusivité qui sera de ton prochain album. Voilà, il n'y a que moi qui l'ai. Non, vous ne l'aurez pas. Enfin, si, maintenant, vous l'aurez. Enfin, vous pourrez l'écouter bientôt. Qui s'appelle Vivre. Oui. D'où vient ce titre ? Pourquoi Vivre ? Le temps passe. On mûrit. Oui. Et puis après, on pourrit surtout. Ça, c'est toi qui le dis. Voilà. On se bonifie avec le temps, on se bonifie avec le temps, c'est comme le bon vin. Et Dieu sait que dans la région du vin, il y en a. Donc, on enchaîne avec, tout de suite avec Benjamin Carver, avec Vivre. On se retrouve tout de suite après. Allez, c'est tout de suite, c'est pour vous. Vous êtes bien sur votre radio préférée. Favori d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je le passe. Voilà, j'aime bien. Moi, de temps en temps, me faire un petit plaisir, c'est toujours bien agréable. T'inquiète, qui c'est toujours un petit plaisir. Oui, oui, oui. Parle bien fort, s'il te plaît. Alors, ensuite, nous allons enchaîner avec un titre qui s'appelle On en a marre de Benjamin Kermer. Mais cette fois-ci, en featuring avec ses filles. Voilà, On en a marre, pourquoi ? En fait, c'était venu d'une idée par rapport au transport en commun, je pense. Oui, tout à fait. Des ras-le-bol, des retards. Voilà. la poste aussi, tout ça, tous ces services publics qui font pas leur boulot. Donc voilà, donc tu fais de l'électro, tu fais de l'électro engagé, si on peut dire. On peut dire, oui. On peut dire, ou qui râle plutôt. L'électro peu entre guillemets salope. Voilà, merci bien. Il est très tôt le matin. Merci pour les gros mots. C'est parfait. Allez, on enchaîne avec Benjamin Kermer, Fixing, c'est une fille avec On en a marre. Et ben nous, est-ce qu'on en a marre? Oui. On en a tous marre. Voilà, c'est parfait. C'est parti. Le train à destination de Selfie City circule avec le wagon Selfie en queue de train. Première classe secteur Q et deuxième classe secteur B et D. On en a marre du service public. Service postal, transport, politique. On en a marre. J'espère que ça va s'arrêter. Oui, voilà. Ensuite, bah on reste toujours dans la même délicatesse. On va suivre avec un titre, cette fois avec, en featuring avec Chelsea, Selfie et Oniliver. Voilà, c'est, vous avez été beaucoup ce jour-là. Oui. Voilà, avec You Take Care of Your Business, ça veut dire bah, mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Je m'occupe des miennes. Voilà, occupe-toi de tes affaires. Voilà, je pense que le message est clair. On enchaîne tout de suite avec ce titre, avec, donc, en featuring avec Chelsea, Selfie et Oniliver. You Take Care of Your Business. You take care of your business. You take care of your business en featuring avec Oliver, Selfie et toute la clique. Oui. Voilà, alors avant de repartir en musique, tu as aussi sorti un livre. Oui. Il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Mystérieux. Mr. Fritz. Un peu plus fort, s'il te plaît. Le Mystérieux Mr. Fritz. Voilà, Le Mystérieux Mr. Fritz. Nouvelle fantastique, voilà, qui sera bientôt adaptée au cinéma. Il paraît, oui. Oui, oui, oui. Ça, voilà, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire, donc si vous aimez les ambiances un petit peu fantastiques, en mélange de maison hantée, Stephen King et d'humour bien de chez nous, comme on dit, n'hésitez pas, donc le livre est disponible sur Amazon, sur, sur iTunes aussi, non ? Non, pas sur iTunes. Non, pas sur iTunes. Sur Amazon et ouais. Puis sur Kindle. Sur Kindle, et puis voilà, vous tapez Le Mystérieux Mr. Fritz dans Google et vous allez trouver. Alors dis-moi, on va enchaîner avec un titre qui s'appelle M, My Love, un titre que tu chantes cette fois. Oui. Voilà. De Kammersphere. De l'album Kammersphere qui est sorti le dernier. Oui. Qui est disponible partout en téléchargement légal, bien évidemment, et en streaming. Alors dis-moi, pourquoi M My Love ? Parce qu'il y a beaucoup de M dans ma vie. D'accord, ça c'est de la réponse. Donc c'est une chanson d'amour, c'est une déclaration. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Allez, on va s'écouter ça tout de suite. C'est donc Benjamin Kermer qui est notre invité avec M My Love. Attention, vos oreilles ne vont pas en revenir. I'm not afraid to Yeah, and my love. Alors Benjamin, avant de quitter, où est-ce qu'on peut se retrouver? On peut te retrouver où? Sur Instagram surtout. Ouais. Benjamin-Carmer, mm-hmm. Ça se prononce. Voilà. Et puis sinon sur Facebook, la page Benjamin Carmer. Donc on a Benjamin Carmer, on trouvera. Sur Twitter. Et au niveau des liens de vente? Sur Spotify, Deezer. iTunes, Amazon. Voilà, un peu tout ce qui existe en fait. Voilà. Et pour les spécialistes de la musique électronique, voilà. Sur Beatport. Exactement. Voilà. On va enchaîner. Eh ben, écoute, merci d'être passé, hein, franchement. Mais je vous en prie. T'étais loin, hein. Oui, très très loin. Très loin. Je connaissais pas. On se quitte avec trois de tes titres, avec Benjamin Carmer featuring Oliver avec Lost City, Benjamin Carmer featuring Selfie avec Politiquement Incorrect. Et oui, Politiquement Incorrect qui est dernier de Selfie d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Qui marche très fort. Et puis ensuite, ce sera Tribunal des Beaux, que nous dédicassons grandement avec un gros mouin. Voilà. Mmh. Allez, c'est parti. Benjamin Carmer featuring Oliver avec Lost City et la suite. Tell me. voilà, maintenant on enchaîne sans plus tarder, on est reparti dans la musique indé avec Burning Paradise en live, suit le moto avec Fearless, ensuite The Snow Itself avec It Rains in Colors. C'est tout de suite, c'est pour vous, et c'est bien évidemment sur votre radio favorite. Happiness. Allez, on enchaîne sans plus tarder avec The Magic Project avec Moment, suivi de Attention, non, Ruandrade avec Kantia M. Mim, Portuguese version. Oui, voilà, comme chaque semaine, toujours la version portugaise. Suivi de Sign of the Sky avec Fearless, et on se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir, bien sûr. Onde tu estás? eu nunca te traí. Ninguém disse que o amor é fácil. Por favor, confia em mim. Pede-me, eu dou-te a minha vida. O meu amor não tem fim. Mesmo que o mundo nos critique, por favor, confia em mim. Só quero que o teu peito acredite que o meu amor não tem fim. Confia em mim. Vai afastar, não vou deixar. Sabes que por ti eu sempre, sempre irei lutar. Se te magoei foi sem querer, volta para mim. Sabes bem que nunca amei assim. Tu és o meu princípio, meio e fim. Something rocked my boat, I fell into the waves and down, down, down. Looking up. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, merci à Christophe, merci Benjamin pour votre présence. Nous nous retrouvons quant à nous pour la prochaine émission avec Zoé. Nous vous donnerons plus de détails, bien évidemment, dans la semaine à venir. Je vous fais de gros gros bisous à tous. Passez une excellente journée ou fin de journée, selon où vous soyez. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Bye bye. Les femmes sont courbes, les néons sont fourbes, à quoi bon aimer? Si les coups de foudre, comme feu de poudre, partent en fumée. Parce que c'est comme ça, que voici, vois ça, toute façon. Que vois-tu, voici, l'expliquer ici serait trop long. Parce que c'est comme ça, que voici, vois ça, toute façon. Que vois-tu, voici, l'expliquer ici serait trop long. Les femmes sont courbes, la bourre et la tourbe, à quoi bon semer? Plus de flotte dans nos gourdes, les jambes trop lourdes, vers où ramer? Qu'est-ce tu veux que je te dise? Balance ta balise, toute manière. Ça dépend du vent, fonce droit devant ou derrière. Qu'est-ce tu veux que je te dise? Balance ta balise, toute manière. Ça dépend du vent, fonce droit devant. Is too